Let's jump now. Allez, on se dépêche. C'est quoi ce bordel? John, is he better than me? Mais non, je suis toute prête. Je vais dire une connerie. Oh.